Ouais, c'est ça, bien ou bien? Bien quoi, Red? Tranquille? Tranquille, ça fout quoi? Oh, tu rien. Ouais. Il fait beau aujourd'hui, là, faudrait pas trouver un truc à faire. Toi, tiens, vas-y, fais un petit jeu en attendant, là. En attendant, je vais bien. Vas-y, il fait quoi, ce connard Freeze, là? Je suis en train de vadrouiller, ce bâtard, là. Ouais, mais vas-y, lâche l'otage, ma gueule. Ouais, t'inquiète, je vais faire fumer. Je dis lâche l'otage, que je fasse évader les gangsters. Ceux qu'on tirait la petite tige, planter un de leurs pieds dans la merde. Capuche, casquette, longue barrette, tout cochon d'herbe. C'est la rue, la vitesse, défrais le matos et mets-toi à l'aise. Qu'une spliff la dèche pour les pinces, agents de police. Ceux qui rapassent quand tu chines, clope feuille ou un petit bout de shit. Fais juste notre truc petit, on aime la vie sale, c'est les striptease. Disais en fumée nos gueules jusqu'au bas de trip. J'ai du boutaga négro dans ma tagatière. Genre mon briquet, histoire t'as fait la matière. Pas de coke, pas de crack, pour j'trac, on a ce qu'il faut. Bouteille de cognac et autres produits en vrac, Marie-Jeanne. Chute mes neurones comme des ballons de foot et rien à foutre. Tu sois choqué sur la quantité qu'on se fout dans les halls, dans les gaufres, dans les trômes. La fumée grasse fait des dommages, négro. Vas-y, fais bédave et lâche l'otage. Lâche l'otage, négro. Comme le bout de charas, c'est lâche l'otage, frérot. Vas-y, fais-toi plaisir, mais lâche l'otage, frérot. Vas-y, fais bédave et lâche l'otage. Otage en main. Sur 2-3 tables sec, prends ma dose de dope, fais péter les circuits dans ma tête. Et Sun, Jean, Sky, pour les habitués des halls sales, c'est le rituel. Se regrouper pour rien faire si ce n'est pour sous ça. J'ai lâché l'otage, que je manque une petite taf, fumée épaisse. Ici pas de tox, tout de sale, schlag, sas, j'traque. Red défoncé avec Red Sky, c'est l'engrenage, négro, mets-toi, aïe. Passe l'otage, que je tire mes tafs. Sur ce bien chargé pour mes débats, faut ouais, ça c'est kiff. Fais gaffe aux keufs, car ils prennent ce qu'on aime, fumer, négro, pour faire la même, toi-même tu sais. Et fais Bélec aussi au schlag qui dénonce, content de te voir en zonze, pour une vulgaire part de conce. Assez parlé, sors la feuille marron, que je roule un spliff de plus, viens un val de Fontenay, où t'es la strac de l'otage. Lâche l'otage, frérot. Comme le bout de charas, c'est lâche l'otage, frérot. Vas-y, fais-toi plaisir, mais lâche l'otage, frérot. Vas-y, fais bédave et lâche l'otage. C'est qu'un spliff et pas de l'or, donc je fais nettoyer cette merde. Tu commences par fumer, finis par sniffer tes rêves. Je mets pas trois fonds dedans, je veux juste être un peu ivre, à geler avec mes gars, taper des bons délires. 22 pichots, t'es car toujours posé dans un coin de crade, à rouler des grosses barres, passer ses putains de soirées à boire. J'adresse la scarpellée, associé à une bibine, ancré dans les bourbiers, drogue, keuf et contrôle de routine. Je reprends l'otage, posé sur le sandar, rien que sa bédave, sur des Marocains et file ton car. Éternel compagnon, tout le raisonnard, cousin en balle avec ta fausse caille, joue pas les chromates au car. Juste un coup de flamme, histoire que le blunt se rallume. Pas le temps trop jacté, car ce que je consomme, se consume. Atmosphère glauque, à fond ça se moque dans le bloc. C'est devenu banal, pas de quoi faire un scoop, rien à foutre, vos vieux reportages. Négro, vas-y, lâche l'otage. Lâche l'otage, frérot. Comme le bout de charas, c'est lâche l'otage, frérot. Vas-y, fais-toi plaisir, mais lâche l'otage, frérot. Vas-y, fais bédave et lâche l'otage. Ouais, vas-y, fais bédave et lâche l'otage. Engrenage musique. L'équipe type 2004. Sur une grande masse et lâche l'otage. Crame le bout de charas et lâche l'otage. Vas-y, fais-toi plaisir, mais lâche l'otage. Vas-y, fais bédave et lâche l'otage.